Chapitre 21. L'enfant. Dès que Renard fut parti, Ophélie eut l'impression qu'il avait emporté avec lui le peu de chaleur de la pièce. Étroit, gris, glacial, cet endroit tenait de la cellule de prison. Ophélie porta la main à son cou par réflexe, mais la bonne vieille écharpe n'y était plus. Bérénilde l'avait obligée à la laisser dans une malle, au manoir. À la seule pensée de ne plus revoir ce ramasse poussière remuant avant des mois, le cœur d'Ophélie se serra. Elle plaça une cale sous le lit boiteux et se laissa tomber dessus avec un soupir. Elle n'avait pas dormi depuis que Bérénilde l'avait réveillée ce matin à 4 heures pour lui apprendre à s'asseoir sur une chaise. Tandis qu'elle se familiarisait avec les toiles d'araignée au plafond, Ophélie reconsidéra cette histoire de sablier. Des objets qui vous transportent vers toutes sortes de destinations, l'espace de quelques heures. Elle avait cru que les domestiques touchaient des gages pour leur service. Certes, elle n'y connaissait pas grand-chose en matière d'argent. Elle travaillait bénévolement sur Anima. Mais tout de même, ça ressemblait à une belle escroquerie. Ophélie releva ses mains gantées devant son visage et les contempla songeusement. Ce soir, plus que jamais, le musée d'histoire primitive lui manquait. À quand remontait la dernière fois qu'elle avait lu une antiquité? Ses 10 doigts empotés, qui n'étaient doués qu'aux expertises, ne serviraient-ils donc plus qu'à satisfaire les caprices de Bérénilde? Ophélie reposa ses mains sur le matelas. Elle avait le mal du pays. Depuis son arrivée au pôle, elle n'avait reçu aucune lettre, ni de ses parents, ni de sa sœur, ni de son grand-oncle. L'avait-on déjà oublié? Je ne dois pas m'attarder ici, se raisonna-t-elle étendue sur le dos. Bérénilde va avoir besoin de moi. Pourtant, elle se laissa mollement emplir par la rumeur des dortoirs, les coups de talons pressés, le timbre des sonnettes, les chasses d'eau des toilettes à côté. Le plafond se mit en mouvement. Il se hérissa de hauts sapins et les toiles d'araignées se transformèrent en une forêt sauvage qui défilait à perte de vue. Ophélie savait qu'au-delà de cette forêt, il y aurait la terre et puis la mer et puis des villes sans abîme, sans cassure, parce que ce sol-là était celui du vieux monde. Le paysage se fit flou et une silhouette longue et maigre se dressa au loin. Emportée malgré elle, Ophélie fut précipitée de force vers cet homme qui lui claquait sa montre à gousset au nez. « Votre sort est une réelle préoccupation pour moi. » Ophélie se réveilla en sursaut et fixa le plafond de sa chambre d'un air choqué. Thorn avait-il vraiment prononcé des mots pareils? Elle se redressa dans un grincement de sommier, décrocha ses lunettes de son nez et se frotta les yeux. Il l'avait bel et bien dit, oui. Elle était alors beaucoup trop soucieuse pour s'apesantir dessus, mais ça remontait maintenant à la surface comme une bulle d'air. Il en allait ainsi avec Ophélie. Elle réagissait toujours avec un train de retard. Elle manipula nerveusement ses lunettes entre ses doigts. Thorn se tracassait pour elle. Il avait une singulière façon de le montrer. Elle ne savait pas du tout quoi en penser. Ophélie s'inquiéta soudain de l'heure. Elle remit ses lunettes en place et le visage factice de mime les absorba sous sa peau blanche. Elle passa la tête dans l'entrebâillement de sa porte pour consulter l'horloge du couloir. Elle dut la relire plusieurs fois. Si elle en croyait ses aiguilles, il était déjà 5 heures du matin. Comment avait-elle pu dormir autant sans même s'en rendre compte? Il lui semblait que son sommeil n'avait duré que le temps d'un battement de paupières. Ophélie s'en fut au petit trot, mais elle rebroussa aussitôt chemin. Elle avait failli oublier sa clé sur la porte. Le régisseur avait été très clair. Sans clé, sa présence au clair de lune n'avait aucune légitimité. Elle erra un moment dans le dédale des dortoirs, bousculée par des domestiques pressés, tombant d'impasse en impasse. Les invités d'Archibald seraient-ils seulement encore debout à cette heure? Si Ophélie avait manqué à ses devoirs, Bérénilde se ferait les griffes sur elle comme jamais. Elle finit par trouver un escalier en colimaçon. À peine posa-t-elle le pied sur la première marche qu'elle fut déjà en haut. Elle ne s'attarda pas sur ce prodige, elle commençait à s'habituer aux bizarreries de l'espace. L'escalier débouchait sur un étroit couloir de service tout en longueur et sans fenêtre. L'un des murs était ponctué d'innombrables portes closes, salons de musique, boudoirs aux épices, fumoirs hommes, fumoirs femmes. À force de le longer, Ophélie comprit que le couloir de service faisait le tour du château. elle se décida finalement pour la porte-galerie du fond. Elle essaya ensuite de se repérer dans les corridors, mais ils se ressemblaient tous, avec leurs parquets vernis, leurs banquettes de velours et leurs belles glaces murales. Ophélie haussa les sourcils en voyant des couples s'enlacer voluptueusement au fond des alcôves, puis les fronça quand des femmes en simples jupons traversèrent une antichambre à grands éclats de rire. Elle n'était pas certaine d'apprécier la tournure que prenait la petite fête d'Archibald. Ophélie glissa la tête dans l'entrebâillement de toutes les portes, colla son nez à chaque fenêtre. Des pans allaient librement sur la grande table du séjour. Dans une salle de théâtre ovationnée par un public, deux hommes se livraient à un pastiche de duel tout en déclamant de la poésie. Au jardin, de jeunes aristocrates s'adonnaient à une course d'automobile entre les parterres de fleurs. Sous les épais brouillards des fumoirs, beaucoup de nobles avaient perdu leurs perruques et quelques-uns, au contraire, ne portaient plus guère qu'elles. À la bibliothèque, de vieilles dames se lisaient à voix haute des œuvres libertines. Ophélie resta toute bête quand elle aperçut la grand-mère de Thorne qui roucoulait de rire avec elle. Elle ne voyait nulle part ni Bérénilde ni la tante Roseline, et elle ignorait si cela devait la rassurer ou non. Postés dans toutes les salles, il y avait des gendarmes en bicorne, vêtus d'un uniforme bleu et rouge. Ils demeuraient au garde à vous, le regard fixe, pareil à des soldats de plomb. Ophélie se demanda à quoi ils pouvaient bien servir. Elle entra dans un cabinet de jeu et souffla de soulagement quand elle vit la tante Roseline, facilement reconnaissable à sa robe noire, qui dormait sur un divan. Elle lui secoua doucement l'épaule sans parvenir à la réveiller. L'atmosphère ici était saturée de vapeurs narcotiques. Ophélie promena un regard larmoyant parmi les joueurs de billard et de cartes qui tombaient endormis sur toutes les tables. Discrets comme des ombres, les valets continuaient de proposer aux plus résistants des cognacs et des boîtes de cigares. Elle trouva Archibald assis à l'envers dans un fauteuil, dos sur le siège, jambes croisées sur le dossier, un bec de narguilé dans la bouche. Son regard se perdait dans le vide avec une sorte de mélancolie pensive qui contrastait avec ses habituels sourires. Ophélie songea que s'il y avait un homme à qui elle n'accorderait jamais sa confiance, c'était bien lui. On n'organisait pas une orgie en l'honneur d'une femme enceinte tout de même. Au fond de la salle, à demi étendue sur un sofa, Bérénilde jouait aux échecs avec des gestes somnolents. Ophélie se dirigea droit vers elle. Elle ne pouvait peut-être pas parler, mais elle trouverait bien un moyen de la convaincre de regagner sa chambre avec la tante Roseline avant que tout ne se mît vraiment à dégénérer. Elle s'inclina en claquant des talons comme le faisaient les domestiques pour annoncer leur présence, mais Bérénilde l'effleura à peine des yeux et poursuivit sa partie comme si de rien n'était. Ophélie se sentit l'âme d'un meuble. « Attention, chevalier !» susurra Bérénilde en avançant sa tour. « Je vais mettre votre reine en difficulté. » Le chevalier ? Un valet n'était pas autorisé à dévisager un noble, mais Ophélie ne résista pas à la tentation de jeter un coup d'œil au fauteuil voisin. Sa surprise fut de taille. Boucles dorées, joues rebondies, lunettes rondes, l'adversaire de Bérénilde se rongeait les ongles d'un air tragique. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Ses pantoufles touchaient à peine le sol. Qu'est-ce que cet enfant faisait ici, à cette heure? Échec au roi, le prévint Bérénilde. Le chevalier poussa un long bâillement et renversa sa pièce d'un revers de la main. Si Monsieur Thorne était mon précepteur, dit-il d'une voix pâteuse, je ferai un meilleur joueur d'échecs. Allons, chevalier, j'ai veillé à vous procurer le meilleur précepteur qui soit. Vos progrès sont indéniables, je vous assure. Et sincèrement, je ne souhaite à aucun enfant au monde d'avoir mon neveu pour professeur. Le chevalier plongea un biscuit dans un verre de lait et croqua dedans, aspergeant de miettes son beau pantalon de velours. Excusez-moi, madame, vous avez entièrement raison. Je vous sais déjà gré de tout ce que vous faites pour moi. Vous vous trouvez bien chez votre oncle? Oui, madame, il est un peu dur d'oreille, mais je m'entends à merveille avec ses chiens. Ophélie trouvait cette scène surnaturelle. À quelques couloirs de là, des hommes et des femmes s'adonnaient à tous les excès. Les fumées narcotiques qui embrumaient la pièce commençaient déjà à la mollir. Elle n'avait aucune envie de finir sur le divan avec la tante Roseline. Elle aurait bien toussé pour se rappeler à Bérénilde, mais elle avait peur de se trahir. Elle sursauta quand ce fut le chevalier qui leva vers elle ses lunettes en cul de bouteille. Il portait depuis les paupières jusqu'aux sourcils le tatouage des mirages. « Vous êtes au service de madame ? Vous travaillez au manoir ? Est-ce que vous trouvez ma chambre jolie ?» Ophélie se contenta de scier bêtement. La chambre d'enfant, c'était donc la sienne. La curiosité du chevalier eut au moins le mérite de faire réagir Bérénilde, qui fit mine de réprimer un bâillement. « Veuillez m'excuser, chevalier, mais il se fait tard. J'ai dansé et joué tout mon content. » « Madame, dit l'enfant en inclinant poliment la tête, nous reprendrons notre conversation une autre fois, si vous voulez. » Ophélie offrit précipitamment son bras à Bérénilde quand elle la vit vaciller. Ses yeux, si limpides en temps normal, avaient une consistance vitreuse. Elle avait bu et fumé plus que de raison, ce qu'Ophélie jugea parfaitement déraisonnable dans son état. « Que faites-vous ainsi ? demanda Bérénilde à Archibald. Assis la tête en bas dans son fauteuil, il décrocha son narguilé de ses lèvres et souffla un ruban de fumée bleue. Son vieux haut de forme était tombé et ses cheveux pâles s'écoulaient jusque sur le tapis. « J'observe mon existence sous un angle différent, » déclara-t-il gravement. « Voyez-vous cela, et qu'en déduisez-vous ? Qu'à l'endroit où elle envers, elle est absolument vide de sens, et que cette position fait monter le sang à la tête, » ajouta-t-il avec un sourire grimaçant. « Vous le quittez déjà ? Souhaitez-vous que je vous raccompagne ? Non, non, poursuivez donc votre méditation. » Ophélie comprit que ce serait à elle de prendre les choses en main. Bérénilde pesant de tout son poids sur son épaule, elle la soutint fermement à travers le salon de jeu et les corridors. Heureusement, elles arrivèrent bientôt devant la belle grille d'or de l'ascenseur. « Bonsoir, madame !» lança joyeusement le groom en s'inclinant. « Ma chambre !» ordonna Bérénilde. « Certainement, madame !» Le groom les fit monter au dernier étage du clair de lune. Ophélie serra les dents pendant qu'elle se dirigeait vers les quartiers d'Archibald. Bérénilde s'appuyait lourdement sur elle et ses ongles lui entraient dans la chair de l'épaule comme des lames. Sa perruque en pièces montées devait peser à elle seule plusieurs kilos. Elles pénétrèrent dans l'antichambre où chantonnait le phonographe, puis dans les appartements destinés à Bérénilde. Les bonnes avaient déjà vidé les malles et rangé les affaires. À peine Ophélie eut-elle aidé Bérénilde à s'asseoir qu'elle se mit à fouiller les placards. Toute chambre de dame digne de ce nom devait posséder des sels ammoniacaux. Elle finit par tomber sur une armoire où étaient rangées des eaux minérales, de l'huile de foie de morue et une collection de petits flacons. Elle en ouvrit un et le referma dès que l'odeur acide lui piqua le nez. Elle avait trouvé. Ophélie faillit répandre les sels sur le tapis lorsque Bérénilde la retint par le poignet. « Cet enfant, avec qui vous m'avez vu, dit-elle d'une voix rauque, ne vous en approchez jamais. Est-ce clair ?» La seule chose qui était claire aux yeux d'Ophélie, pour le moment, c'était que la tante Roseline se retrouvait seule en bas. Elle tira sur son poignet et Bérénilde finit par lâcher prise. Dans le corridor, l'ascenseur était déjà redescendu. Ophélie appuya sur le levier d'appel. Dès que la grille s'ouvrit, le groom ravala son sourire aimable. « C'est toi qui as appelé l'ascenseur ?» Ophélie acquiesça et entra, mais le groom la chassa si brutalement qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu te prends pour qui, un marquis ? Tu me déranges encore une fois, simplet, et je te casse les dents. » Interdite, Ophélie le vit fermer la grille et redescendre avec son ascenseur de luxe. Elle dut traverser le long corridor des chambres pour regagner la salle des bonnes. Même l'escalier de service se montra contrariant. Il obligea Ophélie à descendre toutes les marches des étages comme n'importe quel escalier ordinaire. La tante Roseline n'avait heureusement pas bougé de son divan, droguée par les vapeurs ambiantes. Les sels qu'Ophélie lui glissa sous le nez lui firent l'effet d'une gifle. « Boule puante et chaussettes sales !» bredouilla-t-elle en repoussant le flacon. Ophélie cligna plusieurs fois des yeux pour inciter sa tante à plus de discrétion. Si elle se mettait à jurer comme une animiste, leur imposture ferait feu de paille. Roselyne se ressaisit en voyant la face palichonne de Mime penchée sur elle, puis elle promena un regard déboussolé sur les joueurs de tarot et de billard. « Oui, mais... madame ?» Pour toute réponse, Ophélie lui tendit la main. Elles quittèrent discrètement les lieux et, quelques étages plus tard, elles arrivèrent auprès de Bérénilde. Elle s'était débarrassée de sa perruque et avait déroulé le fil du combiné téléphonique jusqu'au lit. « Ma domesticité est de retour, » annonça-t-elle à son interlocuteur. « Te voilà tranquille. Cette première soirée s'est déroulée sans la moindre anicroche. » La tante Roselyne, qui venait de se trouver en éventail, l'agita avec une dignité offensée. De toute évidence, elle avait une opinion différente sur la soirée qu'elle venait de passer. « J'utiliserai ma clé, n'aie aucune inquiétude, » poursuivit Bérénilde. « Non, c'est moi qui te rappellerai. Au revoir. » Elle tendit le combiné d'ivoire à Ophélie. « Ce garçon devient remarquablement prévenant, » lui dit-elle, non sans une pointe de sarcasme. Ophélie raccrocha le téléphone plus impatiemment qu'elle n'aurait dû. « Votre sort est une réelle préoccupation pour moi, hein ? Grand bien lui fit. Bérénilde et Archibald étaient aussi irresponsables que des enfants gâtés, et Thorne le savait. Un homme qui consente à abandonner sa propre fiancée dans un tel nid de décadents ne peut décemment pas prétendre qu'il se soucie d'elle. « Fermez la porte !» demanda Bérénilde de son lit. Elle avait détaché sa chaîne pour remettre à Ophélie la jolie clé ornée de pierres précieuses qu'Archibald lui avait offerte. Au premier déclic de serrure, un silence de plomb tomba sur elle. Dans l'antichambre de l'autre côté de la porte, la musique éraillée du phonographe s'était brusquement arrêtée. « À présent, nous pouvons en parler librement, » déclara Bérénilde avec un soupir exténué. Nous serons à l'abri des indiscrets aussi longtemps que cette porte restera fermée à clé. » Comme Ophélie et la tante Roselyne s'entre-regardaient, indécises, Bérénilde eut un claquement de langue agacé. Au fur et à mesure que ses mains ôtaient les épingles de sa coiffure, les boucles dorées rebondissaient gracieusement sur ses épaules. « Les chambres du clair de lune sont les plus sûres du pôle, mesdames. Chaque tour de clé nous place à l'écart du monde. C'est un peu comme si nous n'étions plus vraiment là, comprenez-vous? Vous pourriez vous égosiller qu'on ne vous entendrait pas de la pièce voisine, même en collant l'oreille à la porte. « Je ne suis pas certaine que cela me rassure tellement, » siffla la tante Roselyne. « Nous ne nous enfermerons que le temps de nous reposer, » assura Bérénilde d'une voix lasse. « Et de grâce, baissez cette lumière !» Sur ces paroles, elle enfonça sa tête dans son oreiller et se massa les tempes avec une expression douloureuse. Ses beaux cheveux étaient abîmés à cause de la perruque et sa peau, si soyeuse à l'accoutumée, avait la pâleur fade d'une bougie. Pourtant, Ophélie devait admettre que sa beauté était plus émouvante encore dans la fatigue. La tante Roselyne tamisa l'éclairage de la pièce et tressaillit en croisant le regard anonyme de Mime. « Je ne me fais pas ce déguisement grotesque. Ne peux-tu pas l'ôter le temps que nous sommes ensemble ?»« Il ne vaut mieux pas, » dit Bérénilde. « Ophélie ne dormira pas avec nous. Seules les dames de compagnie et les nourrices sont autorisées à partager l'intimité de leur maîtresse. » Le teint naturellement jaune de la tante Roselyne devint cireux. « Et où ira-t-elle donc? C'est sur ma filleule que je suis censé veiller, moi, pas sur vous !»« J'ai déjà une chambre reliée à la vôtre, » s'empressa de la rassurer Ophélie en lui montrant sa clé. « Je ne serai pas loin. » Au fond d'elle-même, elle espérait que jamais sa tante ne mettrait les pieds rue des Bains. « Où est maman ?» s'inquiéta Bérénilde qui remarquait soudain son absence. « À la bibliothèque, » dit Ophélie. Elle ne semblait pas trop s'ennuyer. Elle passa sous silence les lectures libertines auxquelles elle l'avait vu s'adonner avec d'autres dames de son âge. Vous irez bientôt la chercher, ma chère petite. En attendant, faites-nous donc du thé. » Les appartements de Bérénilde disposaient d'une petite cuisine. Tandis que la tante Roselyne mettait une théière en fonte sur le gaz, Ophélie préparait les tasses. Elle n'en cassa qu'une seule. « Pourquoi ne dois-je pas m'approcher du chevalier ? » demanda-t-elle tout en cherchant le sucrier dans le garde-manger. Bérénilde s'épongea le front avec son mouchoir en dentelle, prostré sur son lit. Si elle n'était pas malade après tout ce qu'elle avait bu et inhalé cette nuit, ce serait une chance. « Ni vous, ni Madame Roselyne, » soupira-t-elle. « C'est un illusionniste redoutable. Vous seriez perdante à son jeu, ma chère petite. » « Vous offriez pourtant un charmant tableau ?» s'étonna Ophélie qui ramassait maintenant les sucres qu'elle avait répandus par terre. « Une autre bataille se jouait derrière notre innocente partie d'échecs. Cet enfant essaie de me prendre au piège de son imagination et je m'épuise à lui échapper. Il serait capable de s'amuser avec vous simplement parce que vous êtes de ma suite. »« S'amuser avec nous ?» releva la tante, sourcils froncés. La tête de Bérénilde roula sur l'oreiller pour lui adresser un sourire moqueur. « Connaissez-vous l'hypnose, Madame Roselyne ?»« C'est comme rêver en restant éveillée, » dit-elle en faisant rouler chaque air. « Sauf que ce rêve-là vous est imposé de force. »« Quel petit poison ! Chez nous, les mômes ne sont pas toujours des anges, je vous l'accorde, mais leur passe-temps le plus répréhensible consiste à appuyer sur une sonnette puis à détaler comme des lapins. » En l'écoutant, Bérénilde libéra un rire si dépourvu de joie qu'Ophélie en eut froid dans le dos. « Pourquoi en a-t-il après vous ? » insista-t-elle. « Je vous ai sentie plutôt bienveillante. » Bérénilde fit glisser ses souliers du bout des pieds et contempla le ciel en toile de son lit. « J'ai une dette envers lui. C'est une vieille histoire. Je vous en parlerai une autre fois. » Le sifflement de la théière emplit le silence qui s'ensuivit. La tante Roselyne servit le thé, les lèvres serrées comme des pinces à linge, mais Bérénilde repoussa sa tasse avec une moue écœurée. « Ma petite Ophélie, pouvez-vous m'apporter mon porte-cigarette, mon briquet et un peu d'eau-de-vie, je vous prie ?»« Non !» Bérénilde se redressa sur son oreiller et la tante Roselyne renversa son thé. Aussi incrédules l'une que l'autre, elles dévisagèrent le petit homme planté au milieu du tapis, son sucrier à la main. « Je crois que je ne vous ai pas bien comprise, » dit doucereusement Bérénilde. « Non, » répéta Ophélie d'un ton posé. « Excusez ma franchise, mais je peux respirer votre haleine de là où je me tiens. « Ne voyez-vous pas tout ce que vous vous faites subir, à vous et à votre bébé ? Si vous êtes incapable d'être raisonnable, alors je le serai à votre place. » Les dents chevalines de la tante Roselyne se dévoilèrent, le temps d'un très bref sourire. « Elle a raison. Une femme de votre âge devrait être particulièrement vigilante. » Bérénilde arqua les sourcils et croisa les mains sur son ventre effaré. « De mon âge ?» balbutia-t-elle d'une voix blanche. « Comment osez-vous ?» Trop lasse pour se mettre en colère, elle laissa aussitôt retomber sa tête sur l'oreiller dans une cascade de bouclettes blondes. « Il est vrai que je me sens un peu drôle. J'ai peur d'avoir été imprudente. »« Je vais vous chercher une toilette pour dormir, » déclara sèchement la tante Roselyne. Allongée sur son lit, perdue dans sa belle robe froissée, Bérénilde semblait soudain si vulnérable qu'Ophélie se radoucit malgré elle. « Je devrais détester cette femme, » songea-t-elle. « Elle est capricieuse, narcissique et calculatrice. Pourquoi en ce cas ne puis-je m'empêcher de me faire du souci pour elle ?» Ophélie tira une chaise vers le lit et s'y assit. Elle venait de comprendre que ce serait sans doute cela son véritable rôle ici. Protéger Bérénilde de ses ennemis, de sa famille et d'elle aussi.